je voulais m'excuser parce que son concert est déjà totalement raté depuis le début. Voilà, bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Et donc, on voulait vous remercier d'être là. Et voilà. Applaudissez-vous! Je sais plus ce que je dis.